Alors voilà, ce matin, nous continuons notre série sur les perfections de Dieu. On a un Dieu grand, parfait, et les aspects, les différents aspects qu'on considère chez lui, c'est des perfections. Et c'est bien de s'arrêter parce qu'on peut facilement, comme croyant, être actif, être sur le terrain, en train de faire plein de choses, servir. La vie déjà nous accapare. Et on a besoin souvent de prendre un recul, de s'arrêter et de réfléchir, de méditer. Et le plus grand sujet de méditation, bien sûr, c'est Dieu, sa personne, ses attributs, ses œuvres, ses noms, ce qu'il a fait, ses révélations. On a besoin de commencer à la bonne place, puis la bonne place, c'est la connaissance de Dieu, le connaître. Et je crois que c'est le plus grand problème qu'on vit, on le connaît si peu. Ah, on sait beaucoup de choses sur Dieu, mais que ce soit intégré par la foi, puis que ce soit des choses qui soient à la base de nos pensées, mais nos actions, qu'on soit baigné dans les vérités, les valeurs de l'Écriture. Ah, c'est notre défi. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a entrepris cette série. Ce qu'on tente de faire, c'est regarder les différentes perfections de Dieu, mais en s'attachant surtout à un texte, pour ne pas courir partout dans l'Écriture, et on a la sagesse du contexte, parce qu'on peut prendre des versets pour prouver certains points, mais quand on considère tout le texte, il y a là une richesse. Et donc, c'est ce qu'on veut faire. Ce matin, on va étudier un psaume qui a plus qu'une perfection de Dieu. En fait, j'en ai vu quatre, et on va regarder ça ensemble. Donc, psaume 139, vous avez déjà à l'écran de quoi ça nous parle. Ça nous parle de la toute science de Dieu, de la toute présence, de la toute puissance et de la toute sainteté. Sylvain, veux-tu venir ramasser ton bébé ou... Donc, c'est ça, de la toute et finalement sainteté de Dieu, où on emploie souvent le mot, nous, omniscience, omniprésence, omnipotence, pour parler de cela. Lisons d'abord le psaume 139, vous êtes là. Alors, c'est dans l'Ancien Testament, pas mal en plein centre de votre Bible, on a les psaumes. Psaume 139, c'est vraiment un beau psaume. Je vais le lire lentement. Au chef des chantres de David, psaume, éternel. Intéressant, il commence là, éternel. David parle à Dieu, éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures devant toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Ah, que tes pensées ô Dieu, me semble impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que des grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. On aurait pu le traduire mes soucis. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On nous dit que les Indiens d'Amérique du Nord, si on recule, il y avait quelque chose qui faisait particulier, là, comme pour faire une espèce d'initiation pour les jeunes garçons. Quand ils avaient l'âge de 13 ans, ils devenaient des hommes. On leur avait déjà appris à combattre, à survivre dans le bois, à pouvoir piéger, se débrouiller. Mais il y avait le test ultime où, pendant une nuit, on les amenait, les yeux bandés, un seul à la fois. Le père amenait son garçon, l'amenait dans une forêt dense et le laissait là tout seul toute la nuit. Alors, c'était tout un test, parce qu'à un moment donné, il enlève le bandeau, tout ce qu'il voit, c'est du noir, du bois, et là, il passe toute la nuit. Je vous dis, il ne dormait pas beaucoup, il semble. Et chaque petit craquement de branche l'inquiétait, chaque quelque chose qui bougeait autour de lui, ça l'inquiétait pendant toute la nuit, donc c'était vraiment difficile. Puis tout à coup, il voyait poindre tranquillement l'aurore, le soleil, commençait à voir plus clair autour de lui, commençait à voir les arbres, les choses. Puis tout à coup, qu'est-ce qu'il voyait un peu plus loin? Son père qui était là. Le père restait de loin sans que l'enfant le sache. Lui, il était armé. Lui, il était aux aguets pour être sûr qu'il n'arrive rien à son fils. Et je dirais que c'est une belle illustration de ce que Dieu fait avec nous. On a l'impression des fois qu'on est tout seul à combattre. Les choses nous font peur autour de nous. Mais il y a un Dieu qui est présent. Il y a un Dieu qui sait ce qu'on vit. Il y a un Dieu qui est toujours prêt à intervenir et qui intervient, qui nous aime, qui prend soin de nous et qui est tout puissant, qui est équipé comme personne, justement, pour accomplir ses desseins à notre égard et agir pour notre bien. C'est ce qu'on voit dans ce beau texte, dans ce psaume que David a écrit. Il y a différents aspects de Dieu, on va les considérer un après l'autre rapidement. D'abord, on a un Dieu qui sait tout, des versets 2 jusqu'au verset 6. Il y a un mot là qui est employé, en fait, le mot « yada » en hébreu, peut-être vous avez déjà entendu le mot « connaître ». Il est employé 4 fois dans les versets 1 à 6, puis il est employé 6 fois dans le psaume au complet. Dieu, en d'autres mots, sait, connaît, te connaît, connaît toutes choses. Et c'est l'idée ici. Donc, on a un Dieu qui sait tout. En plus du mot connaître, il y a le mot sonder. Il dit, tu me sondes, tu pénètres mes pensées, au verset 2b. Et le mot connaître, sonder, le Dieu qui pénètre tout ce que je suis, c'est associé à d'autres mots dans le texte. Peut-être vous avez remarqué au verset 2b, « Tu pénètres de loin ma pensée. » Qu'est-ce qu'il entend par là, « Tu pénètres de loin » Est-ce que ça veut dire que même à distance, mais puisque Dieu est partout, je ne suis pas sûr qu'il n'est jamais à distance de nous, de loin, ça veut dire probablement longtemps d'avance. Avant même que toi, tu aies une pensée. C'est complexe, là, le phénomène des pensées. Ça vient d'où, tout ça. Alors, avant même, toi, qu'il te vienne une pensée à la tête, Dieu la connaît de loin, depuis longtemps, il le sait. Et le mot « tout », tu pénètres, au verset 3, « toutes mes voies, mon chemin, ma conduite, ma façon de faire. » Toi, là, tu connais tout cela. Et entièrement, il dit déjà, la parole n'est même pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais, je ne l'ai même pas prononcée, je n'ai peut-être même pas pensé à ce que je vais dire, mais déjà, Dieu connaît cette parole-là. Qu'est-ce que Dieu donc connaît? du psalmiste dans le texte, bien, il connaît ses activités. Il dit, tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève. Et David, s'asseoir, ça ne voulait pas dire nécessairement qu'il ne faisait rien. Il était le roi. Est-ce qu'il parle du moment où il s'assoyait pour siéger sur son trône comme roi, où il y avait un travail important à faire? Il siégeait peut-être à la porte de la ville, peut-être aussi quand il s'assied pour se reposer. Peu importe, qu'il s'assoie ou qu'il bouge, Dieu le sait. Quand je me lève, quand je marche, Dieu le sait. Il connaît toutes ses voies, il connaît ses activités. Il connaît aussi ses pensées. Tu connais toutes mes pensées. Réfléchissez là-dessus. Tout ce qui vous vient à l'esprit, Dieu connaît entièrement. Puis de loin, il connaît vos paroles avant même que vous les ayez prononcées. Ça, c'est ce que Dieu connaît. David met le paquet ici. Et pour lui, c'est un réconfort. Ça pourrait nous troubler un peu, là. Hein, Dieu connaît tout ça. Pour David, c'est un réconfort. Comment je dis ça? Vous avez remarqué le « tu » puis le « me »? Tu me sondes, tu me connais. Tu connais mes voix, mes pensées. C'est une connaissance personnelle. J'ai entendu beaucoup de messages, j'ai lu des livres sur la science, la toute science de Dieu. Puis souvent, c'est très théorique. On étudie Dieu, puis on dit « Dieu, lui, il connaît toutes choses, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur, il n'oublie rien. » Il y a des choses, moi, à un moment donné, je savais dans ma vie, puis je ne les sais plus parce que je les ai oubliées. Dieu connaît tout. Tout ce que la science découvre, Dieu dit « Je le savais depuis longtemps. » Tout ce qui s'écrit sur Internet, il y a des pages et des pages, des livres. Dieu dit « Je sais tout ça, puis en plus, vous faites erreur là. » Dieu connaît tout. Et donc, on réfléchit là-dessus. Mais David va dans une autre dimension. Il dit, Dieu me connaît, me sonde, pénètre toutes mes pensées, mes voix, mes paroles. Il me connaît de fond en comble. Il amène ça à un niveau très personnel. Et c'est pour ça que je dis que pour lui, c'est réconfortant ici, parce que d'ailleurs, il le loue pour cela. Il dit au verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Puis juste avant, au verset 5, il dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. » Parce que tu me connais, là, bien, je me sens comme protégé, entouré par derrière et par devant. C'est un mot en hébreu qui parlait d'une ville qui était entourée. Et c'est la même idée que quand Satan dit à Dieu concernant Job 1:10, il dit, « Ah, Job, je comprends, tu l'as entouré, je comprends qu'il te sert, tu l'as entouré comme d'une barrière. » Je pense que c'est la Sommaire le traduit comme cela. C'est l'idée ici de protection. Parce que Dieu sait, il sait ce que je vis, il sait ce que je suis, il me protège. Et il met sa main sur moi pour m'aider. Sa connaissance de moi, sa science me réconforte, est là pour me protéger, pour m'aider. Pensez à ça. Imaginez, là, qu'il y a une personne qui saurait tout de vous. Vos squelettes dans le placard, comme on dit, les choses que vous partagez à personne, les pensées qui vous viennent, avant même qu'elles vous viennent, les paroles que vous avez dites. Faites-vous assez confiance à quelqu'un pour lui parler. Partager tout ça à quelqu'un, oh, notre tendance, nous, pas vrai, on se cache les uns des autres. On met nos beaux habits du dimanche, puis là, on a l'air spirituel les uns avec les autres. On ne partage surtout pas nos luttes, les pensées. Ah, ici, il fallait qu'ils sachent que j'haïs telle chose, que je suis attiré par tel péché, etc. Et on ne se laisse pas connaître les uns aux autres. David dit, Dieu, lui, il me sonde, il me connaît parfaitement, de A à Z. C'est Keller qui disait, être aimé par quelqu'un sans être connu, c'est un amour peu profond. Combien il y a de gens qui nous ont aimés à un moment donné, puis quand ils ont découvert quelque chose chez nous, qui ne faisait pas leur affaire, ils nous ont balancé. Alors, être aimé par quelqu'un qui nous connaît plus ou moins, c'est un amour peu profond. Cesser d'être aimé parce qu'on est connu, c'est la crainte qu'on a tous. que s'il fallait que telle personne sache telle chose, elle me rejetterait. C'est notre crainte. Puis je pense que ça vient du jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont voulu se cacher parce que quand Dieu apparaissait dans le jardin, ils ne voulaient pas que Dieu sache ce qu'il avait fait. Et c'est notre crainte d'être connu puis que les gens nous rejettent, pas vrai? Mais Keller ajoute, être connu totalement et être aimé, c'est la plus grande des sécurités. Dieu te connaît. Essaye pas de lui cacher rien. Et sais-tu quoi? Il t'aime. Il met sa main sur toi quand même. Il te protège. Ce qu'il sait lui donne la sagesse, la compréhension pour bien intervenir. Et c'est pourquoi David, ça le pousse, comme je mentionnais au verset 6, à adorer Dieu. Dieu comprend tout. David dit, moi, je ne comprends pas. Verset 6. Une science aussi merveilleuse. Toi, Dieu, tu connais tout. Là, cette science-là est au-dessus de ma portée. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu comprends. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est suffisant pour que je puisse t'adorer. Alors, Dieu sait tout. On dit, nous, dans notre langage théologique, Dieu est omniscient. Mais ce n'est pas tout. Dieu est présent partout. Verset 7 à 12. On a lu le texte tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de mots qui parlent d'un lieu. Où, O-U avec un accent grave, là, où. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je? C'est comme si, je ne pense pas que David est en train de vouloir fuir ici. C'est une question qu'on appelle rhétorique. Ça veut dire que la réponse est automatique. Il n'y a pas de lieu qu'on peut fuir là où Dieu n'est pas. Mais le petit mot « où », alors on pense pas juste que Dieu sait, mais il est. Pas juste que Dieu sait tout, mais il est partout. Si je monte aux cieux, alors de façon verticale, je vole plus haut que je peux. Si je monte vers les cieux, des cieux, des cieux, tu es là. Si je descends vers le bas, je descends au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore, c'est une expression poétique pour parler du soleil qui va vite, qui se déplace, que rien ne peut arrêter. Alors, s'il fallait que j'aille la vitesse, puis la puissance, puis que je puisse me déplacer, rapidement, tu serais partout. Les ailes de l'aurore, donc de l'Est jusqu'à la mer, ou aller aussi loin que la mer, bien, la mer Méditerranée, c'était de l'Est, la mer est à l'Ouest en Israël. Alors, je vais en haut, en bas, d'en arrière vers l'avant, t'es partout. Et c'est pas que tout à coup, je cours, puis tu me suis, puis t'es, ah, il est là, il m'a suivi. Partout où je vais, il est là totalement, Dieu. Il était déjà là. Il n'y a pas d'endroit où je peux penser être, où Dieu n'est pas. Voyez-vous, l'omniscience, dans ce verset, Dieu sait tout, est liée à son omniprésence. Les deux vont de pair. On est encore, nous, habitués à parler de l'omniprésence de Dieu, puis on se dit, et là c'est important, on définit, parce qu'on est des théologiens, l'omniprésence, ça veut dire que Dieu est partout, et il est dans toute sa personne, dans tout son être, à chaque endroit. C'est pas que Dieu est vaste et grand, puis qu'il y a une partie de lui qui est en Afrique, une partie de lui qui est au Québec, une autre partie... Dans l'Amérique du Sud ou quoi que ce soit. Dieu est totalement dans tout son être, sa personne, sa gloire, sa puissance, ses attributs, à chaque endroit. Et là, on réfléchit là-dessus et on dit, wow, c'est bien, OK? Sauf que David, encore une fois, le fait de façon personnelle. Moi, là, si je vais, moi, à tel endroit, toi, tu es là. À tel autre endroit, je tente de fuir, tu es là, tu es toujours là, pour moi, avec moi. Même il dit, je me réveille, puis tu es encore là, je suis encore avec toi. Toutes choses sont dans la présence immédiate de Dieu. C'est pourquoi, pensez à ça là, toutes choses sont dans la présence immédiate de Dieu, de telle sorte qu'il peut agir, intervenir, puis garder cette relation avec nous, de telle sorte qu'on n'est jamais perdu. Vous êtes d'accord? On n'est jamais perdu parce que là où on est, Dieu est là. On n'est jamais séparé de Dieu. on n'est jamais éloigné de lui. David ne fait pas qu'approcher cette vérité de façon académique, technique. Il le fait vraiment personnel, puis ça fait une différence dans sa vie. Parce qu'il va dire au verset 10 que « Peu importe où je vais, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Alors, il y a les deux mains de Dieu. Une main qui dit « Garde, c'est bon, tu peux aller par là. » Il conduit. Et une main qui me saisit. L'idée, c'est de me protéger. C'est de me garder. Il me garde. Il me garde avec lui. Personne ne les ravira de ma main. Une promesse donc de direction puissante et de protection puissante, parce que c'est la main de Dieu, la main qui est l'image dans la Bible de sa puissance. Ça vous arrive de prier, puis je l'entends souvent, là, hein? « Seigneur, mets ta main sur telle situation. Hein? Mets ta main sur telle personne. » Mais savez-vous quoi? Dieu a déjà sa main sur vous, là où vous êtes. Une main pour agir, intervenir. Vous n'êtes jamais tout seul, puis vous avez toujours avec vous un Dieu actif, vivant, qui intervient. Mets ta main sur moi. Imaginez que vous pourriez toujours être avec vos enfants. Vous seriez omniprésent. Vous êtes toujours avec vos enfants. Qu'est-ce que vous feriez? Vous les voyez dans le trouble, vous êtes présent. Vous ne diriez rien. Ah, pauvre petit Pit, ça ne va pas bien son affaire. Ben non, si je suis présent, parce que je l'aime, parce que c'est mon enfant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intervenir. Puis le gros qui est en train de le taxer, là, il va avoir affaire à moi. Hein? Ben Dieu, c'est ce qu'il fait. Ta main est là pour me saisir, me protéger, me bénir. Quand Dieu nous fait la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est pas juste, oh, je suis là, puis je regarde, je sais ce qui se passe avec toi, et non, c'est, je suis là dans une relation avec toi pour intervenir, te bénir, te protéger. Ça, c'est l'idée. C'est intéressant parce que chez les païens, il y avait leurs dieux régionaux. Vous avez déjà entendu, hein? Les Philistins, il y avait le dieu Dagon, etc. Il y a même un texte, c'est dans le livre des Rois, je crois, où Akab doit combattre contre les Syriens. Et là, les Syriens disent, « Ouais, mais leur dieu, c'est un dieu de montagne. Il est bon dans les montagnes, leur dieu. Si on les combat dans la plaine, il va être fait. C'est pas un dieu de plaine. T'sais, il est bon, lui, pour certaines régions, là. » Dieu dit, ah ouais, ben, ils ont été combattre dans la plaine, puis les Syriens ont perdu. Parce que Dieu, il n'est pas le Dieu associé à une région. Il est partout. Il n'y a pas le Dieu des Américains. Dieu n'est pas le Dieu des Américains, ou des Canadiens, ou même des Israélites. Il est le Dieu de l'univers. Mais les gens doivent croire en lui, bien sûr. Là, il peut devenir leur Dieu, mais c'est le Dieu qui contrôle toutes choses. Alors, Dieu est omniscient, omniprésent. Les deux sont associés ici dans ce texte et nous présentent un Dieu actif dans notre vie. Ça nous amène au troisième point. Dieu est entièrement à l'œuvre, ou il est, on pourrait dire aussi, omnipotent. Et là, c'est intéressant parce que le psaume lit omniscience, omniprésence et omnipotence, c'est-à-dire un Dieu qui peut tout, qui agit, qui fait ce qu'il veut, pas loin de sa souveraineté, là, ça. Ça vaut la peine de relire les versets 13 à 18. Et remarquez les verbes. Tantôt, il y avait des mots associés à sa connaissance, ensuite des mots associés à des lieux, puis ici, il y a des actions que Dieu fait à partir du verset 13. « C'est toi qui m'as formé. » C'est toi qui as formé mes reins. Mes reins, là, dans le langage hébraïque, c'est l'être intérieur. Ce n'est pas juste qu'il a formé les deux reins, on le comprend. C'est tout l'être intérieur. Bien, c'est Dieu qui l'a formé. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Le mot tissé, c'était la façon dont on faisait des vêtements ou des couvertures où on met toutes les fibres ensemble pour former quelque chose. Bien, c'est comme s'il prend les nerfs, la peau, les ligaments, les veines, tout ça, tout est tissé. Il forme son corps. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Il y a comme deux images pour parler de la création du fœtus dans le ventre de sa maman. Il y a un tissage, puis il y a comme un peu une reproduction de ce qui s'est fait quand Dieu a formé l'homme à partir de la terre, dans les profondeurs de la terre. Parce que tout ce qu'on a, même si on a été formé dans le sein de notre mère, c'est on est des êtres poussières et on retourne à la poussière. Mais tout ça s'est fait avec le fœtus. Il y a tout un processus qui décrit ici, de façon poétique, qui est extraordinaire. Verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Fœtus, dans les premiers stades de son développement, là, il dit « Quand j'étais comme ça, tes yeux me voyaient. » Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Wow! Alors, c'est plus qu'un Dieu qui sait tout, là, ici. C'est plus qu'un Dieu qui est présent partout. C'est un Dieu qui agit, intervient puissamment. Il forme, il tisse, il prédestine ce qui va arriver à la personne en ayant écrit dans un livre tout ce qu'il va lui arriver. Puis il y a un lien avec ce qui précède, hein? Verset 13, « C'est toi qui m'as formé. » Peut-être dans votre traduction, il devrait y avoir un quart qui est là, il est là dans l'original. Il dit, dans les ténèbres précédemment, il dit, quand on est dans les ténèbres, nous, on ne voit pas, mais toi, Seigneur, même dans les ténèbres, tout est lumière autour de toi, car c'est toi qui as formé mes reins. Et là, il parle de l'endroit où il fait noir, où c'est le moins accessible, surtout qu'à l'époque, là, il n'y avait pas de... d'échographie ou de rayon X, puis ce qui se passait dans le sein de la maman, où tout à coup il sort un enfant de là, c'est un mystère. Ça l'est d'ailleurs encore pour nous, même si on peut voir un peu. Mais lui, il dit, donc dans les ténèbres, là, Seigneur, tu saisis tout, puis il va, car, puis là, il passe à un endroit inaccessible pour l'homme. Puis il dit, je pense au sein de la mère, puis je pense à moi, là, dans ma vie. Dans les premiers moments de mon développement, là, tu me voyais, c'est toi qui étais en train de me former, de tisser tout mon être, même mon être intérieur, c'est toi qui étais en train de faire cela. Waouh, Seigneur, que tu es grand. Tes pensées sont impénétrables pour moi. Dieu sait tout. Dieu est présent partout. Puis Dieu agit d'une façon merveilleuse, grandiose, qui nous dépasse. C'est un réconfort pour lui. Vous comprenez? Si, suivez-moi bien, OK? Vous êtes des enfants de Dieu. Pensez au premier stade de développement quand vous étiez dans le ventre de votre maman. OK? Qu'est-ce que Dieu faisait? Je ne sais pas c'est quoi votre conception de Dieu. Comment Dieu intervient dans le monde. Il y a des gens qui pensent que Dieu a créé l'univers, un peu comme un horloger, il a créé, il a crinqué, puis là ensuite il la laisse aller, puis il ne s'en occupe plus, elle a ce qu'il faut pour fonctionner d'elle-même. Alors, si on vient au monde, bien, c'est simplement parce que le papa rencontre la maman, éventuellement il y a un petit œuf qui est là, ça produit un enfant, Dieu est là dans le ciel, il regarde tout ça, il n'intervient pas. Je ne sais pas si c'est votre façon, et que là où Dieu intervient, parce qu'il a mis des lois, les lois dans la création, lois de la gravité, etc., de la reproduction. Là où il intervient, pour changer les choses, on appelle ça des miracles. Alors pour beaucoup, Dieu n'intervient pas, s'il intervient de temps en temps, on appelle ça un miracle, puis c'est bien rare. Alors souvent, on pense à un Dieu éloigné qui ne bouge pas trop, là. Tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait dans le passé. Bien, ce n'est vraiment pas la pensée de David. Ce petit être-là, dans les premiers stades de son développement, là, il dit, Dieu, c'est toi qui m'as formé. Tous mes tissus, là, puis qui a fait qu'il y a un être qui est sorti de là, c'est toi qui guidais tout ce processus-là. Pour les auteurs bibliques, même les lois que Dieu a placées, Dieu continue à les maintenir et à intervenir. La pluie, on sait tous que la pluie, c'est l'eau de la terre qui s'évapore, qui monte, qui redescend, sous forme de pluie, les ruisseaux vont dans les rivières vont à la mer. L'Ecclésiaste déjà savait tout ça. Alors, on peut regarder ça d'un point de vue bien scientifique, sans Dieu, puis dire, ben, c'est rien qu'un processus bien naturel. Pourtant, les auteurs bibliques disent, c'est Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est lui qui envoie la pluie, qui donne la pluie aux méchants comme aux bons. Il envoie la pluie. Il continue à soutenir ce phénomène-là, ces lois, les lois de la création. Bien, si on veut avoir la pensée de David, là, je vous ramène dans le sein de votre maman. Dieu était là en train d'intervenir. Dieu savait tout déjà de vous. Dieu était déjà en relation, je vais l'employer comme ça, avec vous. En train de vous protéger, de vous bénir, de vous amener à vous développer. Alors, si c'était comme ça au premier stade, qu'en est-il aujourd'hui? Il vous abandonnerait? Il vous laisserait? C'est encore le Dieu Tout-Puissant qui intervient, agit dans votre vie. Vous bénit. Prend soin de vous. Il a déjà, dès l'époque, décidé, prédestiné tous les jours de votre vie, ces choses-là vont arriver simplement dans la suite. Wow, verset 14. Alors je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, tes œuvres, et mon âme le reconnaît bien. Et verset 18. Les pensées, que tes pensées sont nombreuses, que les grains, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est intéressant, hein? Ce n'est pas juste des pensées comme ça. C'est des pensées, tu m'écoutes bien? Dieu, c'est des pensées qu'il a pour toi dans le texte ici. Dieu pensait à toi quand tu étais dans le sein de ta mère. Il pense encore à toi. Et ces pensées sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Pour les auteurs bibliques, il y a des choses innombrables, c'est les étoiles puis le sable de la mer. Mais dit Dieu, là, ses pensées sont constamment sur toi. Il va faire un anthropomorphisme. Quand Dieu est assis, puis qu'il se repose un peu, tu sais à quoi il pense? À toi. Des pensées innombrables, comme le sable de la mer. Et il pense juste pour penser? Ben non. Il prédétermine ce qui va arriver, il protège, il bénit, il met sa main sur toi, il t'entoure, etc. Dernier point, 4, Dieu est entièrement saint. Et là, on arrive dans la dernière section à partir du verset 19. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, etc. Cette section-là dérange pas mal de monde. Beaucoup d'églises, dans leur liturgie, lisent des psaumes régulièrement. Et la plupart, quand ils arrivent au psaume 139, ils arrêtent de le lire à partir du verset 18. Il y a même un auteur que j'ai lu, il a dit, « Si David avait arrêté son psaume au verset 18, ça serait le plus beau des psaumes. » Pourquoi ça dérange? Parce que là, on rentre dans une forme qu'on appelle des imprécations. David, il maudit son ennemi, il demande à Dieu de punir les ennemis, il les appelle des hommes de sang, de fraude, éloignez-vous de moi, je vous hais d'une parfaite haine. Puis on est mal à l'aise avec ça, nous, parce qu'on demeure avec les standards du Nouveau Testament qui nous disent « aime ton ennemi, prie pour ceux qui te persécutent », etc. Alors, puis l'autre raison que beaucoup sont mal à l'aise avec ça, c'est qu'on a de la misère à voir le lien avec ce qui précède. Et moi, je vais vous dire ceci, OK? Quand vous lisez la Bible, puis vous arrivez sur un texte qui vous dérange, que vous avez de la misère à comprendre, arrêtez-vous. Parce que quand on est confronté dans nos pensées, vous dites, voyons, il me semble que ça ne fit pas avec ce que je comprends, avec ce que je sais, bien, c'est bon signe. C'est parce que Dieu il dit, oups, il y a peut-être de quoi qu'il faut renouveler en toi. Parce que, je pense, David vient de décrire un Dieu extraordinaire, si grand, si merveilleux. Et ça l'amène à penser aux méchants. Et tu ne peux pas être à la fois pour Dieu et prendre plaisir avec le méchant. Et donc, il va mentionner comment les méchants, puis les méchants ici, ce n'est pas les ennemis personnels de David. Avez-vous remarqué? David a beaucoup d'ennemis dans d'autres psaumes. Ici, ce sont des ennemis de Dieu, verset 20. Ils parlent de toi, Dieu, d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis à toi. Verset 21, « N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, toi, Seigneur? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? » C'est des ennemis de Dieu qui deviennent automatiquement les ennemis de David. Et je pense que toute cette section-là, du verset 19 jusqu'au verset 24, il y a la notion de péché qui est là. Un Dieu qui sait tout, présent partout. Un Dieu tout-puissant est aussi un Dieu saint. Et dans sa démarche, David arrive là en disant, « Hey, t'es si grand, si parfait, le péché existe. Le méchant, un jour, va être détruit. Ça fait partie aussi de ta personnalité. » Mais ce qui est merveilleux, c'est que David ne s'arrête pas là en disant, « Oui, puis les méchants, puisses-tu les détruire, puis je les hais d'une sainte haine, puis « Ah, ces méchants qu'ils sont terribles! » C'est pas long qu'il tourne vers lui. Et je veux m'attarder en terminant sur versets 23 et 24, où là, il dit « Moi aussi, le péché, là, moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Je peux pas juste dire « Ah, les méchants, eux autres, et moi. » Et toute sa prière, en fait, il est conscient de son péché, il dit Éprouve-moi, regarde mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Il y a comme au-dedans de lui cette pensée, David avait compris que, il dit, « Moi, des fois, je pense que je suis à la bonne voie, puis je ne m'en rends pas compte, je me trompe, j'ai des angles morts, il y a des places, il y a des péchés dans ma vie, des choses, puis il y a juste Dieu qui peut me les révéler. J'y arriverai pas de moi-même. » Et j'aime ça. Puis donc, qu'est-ce qu'il fait face à ça? Mais il dit, « Dieu, là, si je veux vaincre le péché dans ma vie, ça commence par toi, puis ça finit par toi. Il faut que tu me sondes. » Puis là, il va remplir tous les mots qu'il avait au début. Le psaume, là, c'est une sandwich. Il commence par dire, « Dieu, tu me sondes, tu me connais, tu connais toutes mes voies, etc. » Puis il termine en disant, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve mes pensées. » Le mot « pensée » est là. « Regarde mes voies, viens me le montrer, Seigneur. Tu es un Dieu si grand, si merveilleux. Oui, il y a les méchants, tu vas les condamner, mais moi, je veux avoir une vie de sainteté, tu es un Dieu saint. » David aurait pu dire, « Hey, tu es un Dieu saint, let's go, je me mets à l'œuvre. Là, je vais faire le bien, je vais obéir à ta loi, je vais pratiquer tes commandements. » Il sait fort bien que ce n'est pas si simple que ça. Quand il y a la pensée qui a encore en dedans de lui un reste d'imperfection, puis de corruption. Puis je trouve ça merveilleux, c'est là dans l'Ancien Testament, on jurerait que c'est le Nouveau. Il dit, « Comment je vais faire pour régler ça? » Il prie. « Seigneur, si je veux grandir, puis être délivré de ces mauvaises voies, de ces mauvaises pensées, sonde-moi, Seigneur. Éprouve, viens tester, viens mettre à la lumière ce qui est là. » OK? Sonde-moi, Dieu. Éprouve-moi. Puis le jour où ça va venir, je vais dire, « Ah! Hey, regarde mes mauvaises pensées. Regarde mes mauvaises voies. Qu'est-ce que je fais? » Bien, je continue encore à prier. « Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parce que même quand je suis conscient, c'est bien beau, là. Je suis conscient tout à coup, je dis, « Ah! Que j'ai de la misère à aimer. Que j'ai de la misère à pardonner. » On part, puis là, on se met à pardonner parce qu'on en est conscient. On est encore quasiment plus cru parce que là, on le sait, puis c'est décourageant parce qu'on n'a pas la force de le faire. Qu'est-ce que David dit? Conduis-moi là, Seigneur. Je vous le dis, je jurais que c'est le Nouveau Testament. Je jurais que c'est quelqu'un qui connaît Jésus parce que c'est ce qu'on a appris du Seigneur Jésus. Jésus est venu nous montrer qu'on était des pécheurs, qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Que ce qu'on a à faire, c'est, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Venez à moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est ça l'Évangile. Je trouve ça tellement beau d'avoir cela ici. Et c'est pour ça que la démarche de David, qui médite, découvre son Dieu, se rappelle que Dieu sait tout, est présent partout, peut agir partout, ça l'amène à la question du péché dans sa vie pour pouvoir en être délivré. Et ce processus-là de délivrance, ça se fait dans une communion avec Dieu où on compte sur lui, on lui parle, on le prie. Puis il dit, quand il lui dit « sonde-moi, ô Dieu », au début c'était « tu me sondes, tu me connais », c'était des indicatifs, il termine avec des impératifs, il demande à Dieu, bien, il n'est pas en train de dire « regarde, si je ne te donne pas permission, tu ne le feras pas ». Dieu le fait, il nous sonde, il sait ce qu'on vaut. C'est juste que David dit « maintenant, j'accepte, j'ai besoin de ça, j'agrée, je veux participer à ce... à qui tu es, puis te laisser faire complètement dans ma vie pour que tu entreprennes le processus de croissance, de délivrance, de transformation. » Wow, c'est beau. C'est encourageant. Je termine. Ça me semble que ça fait deux fois que je termine. Là. Mais il y a le petit mot. « Connais mes pensées », verset 23. « Éprouve-moi, connais mes pensées. » Le mot « pensée » ici, si vous avez la sommaire, il y a l'idée de pensée qui me tracasse, souci. S'il y a une place que Dieu commence son œuvre de lumière dans notre vie, de nous sonder, nous faire voir ce qu'on est, c'est entre autres nos soucis, angoisse, inquiétude. Ce mot-là, c'est ce qu'il dit ici. Okay? C'est peut-être pas évident, moi, dans ma traduction, mais c'est vraiment le mot en hébreu, là, il parle de cela. Quand tu te soucies de quelque chose, tu es inquiet, OK? Wow, c'est le temps. Dire, attends un peu, pourquoi je suis inquiet? Seigneur, sonde-moi, viens me montrer. Esprit de Dieu, viens faire une œuvre, montre-moi les racines de ça. Je viens de perdre ma job, je suis tout à l'envers, je suis inquiet. Et ça se pourrait-tu des fois que Dieu te montre, vois-tu, ta sécurité n'est pas en moi. Ta sécurité dans ton travail, d'avoir une source de revenus régulière, c'est là que tu mets ta sécurité. Si tu es si angoissé parce que tu perds ton travail, je permets ça maintenant dans ta vie pour faire une œuvre de délivrance puis te conduire sur la voie de l'éternité. Pour pas que tu demeures sur la voie comme le méchant. Les méchants sont comme ça, ils ne se confient pas en Dieu. Peut-être que ça va te montrer que tu es beaucoup plus attaché à l'argent que tu le penses. S'il y a de quoi qui révèle nos idoles, c'est nos angoisses, nos inquiétudes puis nos soucis. Qui te révèle ce à quoi tu t'attaches qui prend la place de Dieu. Mais ce n'est pas déprimant. Parce que Dieu nous reproche rarement, il me semble, en tout cas, vous me le direz, là, de dire « tu as tel souci ». Ce qu'il dit, voici ce que tu dois faire avec tes soucis, puis si tu ne le fais pas, là, il y a un problème. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, ce Dieu saint va punir les méchants du type qui sont décrits ici, mais transforme, purifie son peuple. Et David veut participer à ça, puis veut bénéficier de ça. Et c'est pour lui le seul espoir de pouvoir s'en sortir. Cela nous prépare bien au repas du Seigneur. À ce point-ci, on va aller dans la prière. J'aimerais que quelques personnes nous conduisent. Laissez ce beau psaume vous amener. Il y a de la louange dans ce psaume-là, il y a des prières, il y a de la reconnaissance. Allons ensemble devant le Seigneur, puis ensuite on va aller avec le repas du Seigneur. Alors, prions. Quelques personnes, priez bien fort là où vous êtes pour que toute l'Assemblée entende et dise « Amen » à votre prière.